travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Pour alarmer les amis de la liberté et exciter leur méfiance, on a comparé ce qui se passe actuellement à ce qui se passa il y a 37 ans. Mais ceux qui parlent ainsi, en me désignant comme un croque-mitaine dictatorial, calomnient plus encore le peuple français qu'ils ne me calomnient moi-même. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. C'est depuis le musée d'Orsay à Paris que je vous propose ce matin, en direct et en public, une émission consacrée au bonapartisme, des origines à nos jours, à sa force et à son héritage. L'occasion en est double. Le musée offre actuellement au public, à l'occasion de ses 30 ans, une brillante exposition consacrée au Second Empire de Napoléon III, exposition à laquelle France Culture est associée. D'autre part, on ne peut qu'être sensible aux analyses qui s'attachent à repérer les résurgences du bonapartisme comme courant particulier de cette aspiration à un mode de gouvernement original. L'historien René Raymond, dans une théorie demeurée fameuse, s'est attaché naguère à distinguer trois droites différentes dont il a débusqué la permanence dans la longue durée depuis le XXe siècle. Légitimiste, orléaniste et bonapartiste. Et on observe qu'à l'occasion des récentes primaires, cette triade a été ressuscitée par divers observateurs éclairés, notamment Hervé Lebras, dans un article du Monde. Elle se serait incarnée dans les personnalités différentes de François Fillon pour le légitimisme, Alain Juppé pour l'orléanisme et Nicolas Sarkozy pour le bonapartisme. Bien sûr, il faut se garder, comme toujours en histoire, de tout systématisme et nous y prendrons garde. Il n'en demeure pas moins que le temps du Second Empire a constitué le bonapartisme en culture politique spécifique dont l'empreinte a été profonde et dont l'héritage est important. J'ai convié pour en traiter Jean Garrigue, professeur à l'Université d'Orléans, président du comité d'histoire parlementaire et politique, excellent connaisseur de notre 19e siècle, qui a consacré, entre autres ouvrages reconnus, un livre remarquable aux hommes dits « providentiels ». Nous allons nous attacher ensemble à cerner les traits majeurs du bonapartisme, ses sources, ses avatars et son influence de long terme dans le cours de notre vie publique. En commençant par un propos de Louis-Napoléon Bonaparte lui-même, prisonnier au fort de Ham vers 1845. À Londres, je publiais contre l'avis de tous les idées napoléoniennes afin de formuler les idées politiques du parti et de prouver que je n'étais pas seulement un hussard aventureux. Par les journaux, je tentais de préparer les esprits à l'événement de Boulogne. Mais enfin, que reste-t-il de tous ces enchaînements de petits faits et de cruelles peines? Une chose immense pour moi. En 1833, l'empereur et son fils étaient morts. Il n'y avait plus d'héritier de la cause impériale. La France n'en connaissait plus aucun. Quelques Bonaparte paraissaient, il est vrai, ça et là, sur l'arrière-scène du monde, comme des corps sans vie, momies pétrifiées ou fantômes impondérables. Mais pour le peuple, la ligne était rompue. Tous les Bonaparte étaient morts. Eh bien, j'ai rattaché le fil. Je me suis ressuscité de moi-même et avec mes propres forces. Et je suis aujourd'hui, à 20 lieues de Paris, une épée de Damoclès pour le gouvernement. Les partis républicains et légitimistes ne gagnent pas. L'orléanisme perd. Il y a une masse flottante qui se ralliera à quelque chose et à quelqu'un. Ce n'est pas l'ambition de régner qui m'a fait sacrifier plus d'une fois mes affections privées, ma fortune, mon repos. C'est un sentiment plus élevé et plus mystérieux qui m'a toujours entraîné et soutenu. Pour avoir osé ce que j'ai osé, pour avoir supporté ce que j'ai souffert, il fallait que je sentisse en moi un peu de cette foi du martyr que rien n'abat. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. C'est un texte qui a été lu par Renaud Marie dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident, fameuse émission de France Culture, de Pierre Cipriot, le 14 novembre 1964. J'ai choisi ce texte parce que Louis-Napoléon Bonaparte insiste sur la manière dont il a ressuscité un fil. Il a rattaché son effort à une ligne qui lui paraissait rompue, les Bonaparte n'étant plus que des momies pétrifiées ou des fantômes impondérables. Oui, au fond, c'est Louis-Napoléon qui va créer le bonapartisme. Le bonapartisme n'existait pas sous Napoléon Ier, si ce n'est peut-être ensuite dans le mémorial de Sainte-Hélène, publié après sa mort, et qui fixait au fond une sorte de bonapartisme idéal, qui était assez éloigné d'ailleurs de ce qu'avait été le Premier Empire. Mais là, c'est très intéressant de voir que Louis-Napoléon, que personne ne connaît vraiment en France, qui est emprisonné à la suite de sa deuxième tentative de putsch militaire, où il a essayé de débarquer à Boulogne-sur-Mer, emprisonné dans le fort de Ham, où vraiment il est très très solitaire. Il avait commencé à Strasbourg déjà. Il avait commencé à Strasbourg en disant je viens avec d'une main le testament de l'empereur et l'autre l'épée d'Austerlitz. Donc on était vraiment là dans l'héritage de Napoléon Ier. Et d'ailleurs à Boulogne-sur-Mer, il dit j'ai derrière moi l'ombre de l'empereur. Donc à chaque fois, c'est la référence qui est très importante. Et là, il fait un pronostic, une prophétie, qui est quand même finalement assez remarquable, parce que il anticipe finalement une sorte de vide politique qui ne pouvait pas deviner en 1848, mais il anticipe le fait que l'orléanisme, c'est-à-dire le régime de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, est en perte de vitesse, de moins en moins populaire, que les légitimistes, l'autre courant conservateur traditionnaliste, n'est pas encore structuré pour prendre en main, ou n'est plus structuré suffisamment pour prendre en main les rênes de la France. Voilà les trois droites. Et les républicains qui sont trop faibles. Alors, les trois droites, évidemment, que moi-même, je me souviens d'avoir évoqué à propos des primaires dans une émission de télévision. Il faut toujours se citer soi-même. Non, mais très intéressant, parce qu'à ce moment-là, ça m'avait frappé, les gens à qui je m'adressais étaient très surpris. Mais non, aujourd'hui, les droites sont toutes libérales. Non, non, on voit très bien dans ces élections primaires, comme le remarquait Hervé Lebras, on voit très bien que ressurgissent ces trois droites qui sont apparues, ces sensibilités de droite qui sont apparues dans le premier 19e siècle, cette sensibilité orléaniste, libérale, que caractérisait Louis-Philippe, le légitimisme conservateur, traditionnaliste, qui donne une très grande place à la religion, aux valeurs traditionnelles, la famille, le travail, etc. Le pouvoir à l'époque venant plus ou moins d'en haut. Le pouvoir venant d'en haut. Plus là, distant à l'égard des choses de l'économie, à l'égard de... Voilà, tout à fait. Mais beaucoup des plus affaires. Des hiérarchies traditionnelles, le rôle des notables, aristocrate en fait dans la société, et puis alors ce bonapartisme qui apparaît avec Louis-Napoléon, un principe d'ordre, culte du chef, autorité et appel au peuple. Ça, c'est l'idée très forte du bonapartisme. C'est ce qu'il y avait dans les idées napoléoniennes qu'évoque dans ce texte Louis-Napoléon Bonaparte, qui est paru à Londres en 1839. Tout à fait. Que contenait ce livre? Alors, ce livre est une sorte de bréviaire politique, de projet politique, on pourrait même dire, de Louis-Napoléon Bonaparte. Il avait déjà publié en 1832 des rêveries politiques. Et là, en 1839, il annonce ce que sera, et c'est très intéressant, ce que sera le Second Empire. Parce qu'il... Il donne une sorte d'agenda politique, c'est-à-dire que dans un premier temps, à l'imitation et dans l'héritage de ce que Napoléon Bonaparte avait prétendu résoudre au moment du coup d'État 18 Brumaire en 1799, il veut remettre de l'ordre dans la maison France, une maison qu'il considère totalement dispersée, émiettée et souillée par ceux qui la gouvernent. Et après cette phase de remise en ordre, ça va être l'Empire autoritaire, eh bien il va aller vers plus de liberté, desserrer l'étau finalement de ce qu'il faut bien dire sera dans les années 1850 une dictature, et amener les idées, les valeurs de liberté dont il se réclame en tant qu'héritier aussi de la Révolution française. Alors justement, héritier de la Révolution française par l'intermédiaire, par le truchement de son oncle, oui, Napoléon Ier. L'oncle. Qui, vous disiez à juste titre que le bonapartisme est, est né en somme après Napoléon Ier, qu'il est né de Sainte-Hélène, où Napoléon, c'est la dernière période de sa vie, de sa prodigieuse trajectoire, s'est montré, comme nous dirions aujourd'hui, un extraordinaire communicant. Oui, oui, mais ça, c'est une caractéristique de Napoléon Bonaparte, avant même qu'il arrive au pouvoir. Hein, lorsqu'il était général et dans les campagnes d'Italie, il publiait et il écrivait une bonne partie des journaux à sa propre gloire, qui démontraient que, finalement, à Paris, le régime du directoire était totalement en perte de vitesse, qu'il n'avait plus aucun soutien, qu'ils étaient tous corrompus et impuissants, alors que lui était un général victorieux qui pourrait amener le dénouement de la Révolution française. Et ensuite, en Égypte, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Voilà, il amenait cette hauteur. Il était le principal propagandiste de sa propre gloire, en fait. Voilà, il faisait la promotion de sa propre gloire. Et évidemment, Louis-Napoléon s'inscrit dans les pas de son oncle. Et tout ce que va faire Louis-Napoléon à partir des années 1830, en exil, puis lorsqu'il va revenir en France en 1848, sera marqué par l'héritage de l'oncle. Et naturellement par le mémorial de Sainte-Hélène, de Las Cases, qui est publié en 1823, publié 2 ans après la mort de Napoléon, puisqu'il est mort, si je me rappelle bien, le 5 mai 1821. 1821. À 51 ans, 8 mois et 21 jours, ça c'est pour les astrologues. Mais ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas notre sujet. Et bien, en parlant à Las Cases, en sachant qu'il en ferait un livre essentiel, il brosse une image de lui-même et de ce qu'il n'a pas fait, qui est très différente en réalité de la réalité. Je vais vous en donner un extrait, Jean Garrigue, que vous allez pouvoir commenter. J'ai refermé le gouffre anarchique et débrouillé le chaos. Écoutez. J'ai refermé le gouffre anarchique et débrouillé le chaos. J'ai dessouillé la révolution, ennobli les peuples et raffermi les rois. J'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites et reculé les limites de la gloire. Tout cela est bien quelque chose ? Et puis, sur quoi pourrait-on m'attaquer qu'un historien ne puisse me défendre ? Serait-ce mes intentions ? Mais il est en fond pour m'absoudre. Mon despotisme ? Mais il démontrera que la dictature était de toute nécessité. Dira-t-on que j'ai gêné la liberté ? Mais il prouvera que la licence, l'anarchie, les grands désordres étaient encore au seuil de la porte. M'accusera-t-on d'avoir trop aimé la guerre ? Mais il montrera que j'ai toujours été attaqué. D'avoir voulu la monarchie universelle, mais il fera voir qu'elle ne fut que l'œuvre fortuite des circonstances, que ce furent nos ennemis eux-mêmes qui m'y conduisirent pas à pas. Enfin, sera-ce mon ambition ? Ah, sans doute, il m'en trouvera, et beaucoup, mais de la plus grande et de la plus haute qui fut peut-être jamais. Celle d'établir, de consacrer enfin l'empire de la raison et le plein exercice, l'entière jouissance de toutes les facultés humaines. Et ici l'historien peut-être se trouvera réduit à devoir regretter qu'une telle ambition n'ait pas été accomplie, satisfaite. Mon cher, en bien peu de mots, voilà pourtant toute mon histoire. L'historien, ce matin, à Concordance des Temps, c'est vous, Jean Garrigue. Est-ce que c'est un peu grandiloquent, est-ce que vous êtes en effet réduit à devoir regretter qu'une telle ambition n'ait pas été accomplie? Écoutez, moi, je me garderai bien de prendre position. Je garde la neutralité de l'historien. C'est ce dont Marc Bloch parlait en disant que Clio devait être toujours chaste. Exactement. Enfin, il disait qu'en réalité, il était parfois trop chaste. Ah, oui, Donc, ne soyez pas trop. Un peu trop pudique. C'est une reconstruction, ce mémorial de Sainte-Hélène, c'est une reconstruction de ce qu'étaient les motivations et la réalité de l'expérience du Premier Empire, mais qui est très intéressante parce qu'elle s'inscrit d'abord dans l'héritage de la Révolution française, qu'a toujours revendiqué Napoléon Ier. La Révolution à cheval. La Révolution à cheval, exactement. Je suis la Révolution à cheval. Je suis la Révolution à cheval. Et elle explique le pourquoi du régime autoritaire. Un régime autoritaire, c'est pas une volonté dictatoriale, c'est simplement vouloir remettre de l'ordre dans une machinerie démocratique qui a dévissé, qui ne fonctionne plus. C'était la thèse de Napoléon Bonaparte et de ceux qui l'ont aidé, de l'intérieur du régime eux-mêmes, comme Sieyès, par exemple, qui a vraiment fabriqué le coup d'État du 18 Brumaire. C'était leur thèse pour justifier ensuite un régime dont il faut bien dire qu'il a été un régime privatif de liberté et qu'il a quand même tourné le dos à un certain nombre de valeurs cardinales de la Révolution française. Donc il faut expliquer ce hiatus. Et la construction politique que présente Napoléon Ier dans le mémorial de Sainte-Hélène, elle est quand même assez éloignée de la réalité du Premier Empire. C'est-à-dire que c'est une vision idéalisée d'un régime, on va dire, autoritaire, mais qui ménage les grandes libertés de la Révolution. Le mot de bonapartisme naît après le départ forcé de Napoléon vers Sainte-Hélène, 1814-1815. Nous avons évoqué les efforts doctrinaires de Louis-Napoléon Bonaparte et de son ambition. Il y a aussi tout un courant populaire qui va commencer à mythifier, le petit caporal et qui est essentiel. Le bonapartisme se décline toujours à hauteur des idées et à hauteur des tempéraments, des sensibilités. Oui. Je crois qu'il faut comprendre ça, y compris aujourd'hui. Exactement, vous avez raison, c'est essentiel parce que c'est ce bonapartisme populaire qui va porter Louis-Napoléon en 1848, on y reviendra sans doute, mais c'est de cette base, de cet enthousiasme, de cette clandestinité même du culte de Napoléon Ier sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet. Il y a véritablement dans toutes les campagnes françaises des bustes de l'empereur, des lithographies, des chansons à la gloire de Napoléon. Un bric-à-brac de petits objets de toutes sortes. Un bric-à-brac. Et puis il y a Béranger qui sert évidemment, qui sert la gloire de Napoléon. Parlez-nous de lui, grand-mère, parlez-nous de lui. Et puis il y a ce qui se passe en 1840, le retour des cendres, et là, un engouement que Louis-Philippe, qui pour des raisons nationalistes, bon, je ne vais pas détailler, avait insisté pour que reviennent les cendres de Napoléon, se retrouve face à un engouement populaire qui le dépasse totalement, des millions de Français qui viennent à Paris pour assister aux cérémonies de ce retour. Et, oui, d'ailleurs, il est intéressant de noter que Louis-Philippe, se définissant d'abord contre le légitimisme de Charles X, puisqu'on l'a renversé en juillet et qu'il l'a remplacé, cherche quelques complicités du côté d'un certain courant bonapartiste qui n'est pas propre encore à l'inquiéter. Exactement, c'est ça. À ce moment-là, le bonapartisme privé d'héritier, avec ce Louis-Napoléon exilé en Suisse allemande, bon, tout ça n'est pas très dangereux pour le régime de Louis-Philippe. N'empêche qu'il découvre là à quel point l'image, l'héritage de Napoléon Ier a imprimé une marque très profonde. Justement parce que cet héritage se mélange aussi avec celui de la Révolution française. Pour beaucoup de Français, du peuple, il y a une continuité entre la Révolution française et l'Empire, et ce qui donne aussi cette force du souvenir napoléonien. Oui, Louis-Philippe s'efforce de rallier à sa cause la tradition, il s'est battu lui-même à Jemappes, contre le légitimisme. Sur quoi arrive 1848 ? Il faut comprendre comment le bonapartisme, tout à coup, incarné dans Louis-Napoléon, va faire irruption aux dépens des républicains. Comment les choses se sont-elles passées? Comment est-ce qu'en 4 ans, rappelez-nous cela, Jean-Garry, comment en 4 ans, tout à coup, les cartes ont été rebattues? Alors c'est une divine surprise pour Louis-Napoléon Bonaparte que la proclamation de la Seconde République en février 1848, elle lui permet d'abord de revenir en France parce qu'il est candidat aux élections au mois de juin et au mois de septembre. Il est candidat à des élections partielles et à chaque fois il est élu. Triomphalement, en Corse, dans la Seine, dans les Charentes, qui vont devenir des bastions historiques du bonapartisme, ça qui est assez intéressant. Il sera intéressant de voir, comme le fait Hervé Lebras, si on ne trouve pas encore. Une géographie. Oui, du côté du soutien lors des primaires à Nicolas Sarkozy, certaines permanences qui sont assez passionnantes. Ah oui, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça parcourt 150 ans de notre histoire. Et ça justifie la tripartition et l'intuition qu'avait eu René Raymond de ces trois droites. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, comment devient-il le prince-président, chose inattendue? Il devient le prince-président parce qu'il va se présenter à l'élection présidentielle du 10 décembre 1848 et à la surprise de beaucoup d'observateurs, vous voyez déjà que la vie politique ménageait des surprises. Ce n'est plus vrai du tout. Il est élu triomphalement face au candidat des Républicains qui était Cavaignac. Plus de 5 millions de voix pour Louis-Napoléon contre 1,5 million à peu près pour Cavaignac. Cavaignac, Victor Hugo le définissait comme un nez dans du poil. Bah, c'est un peu le problème, c'est que Louis-Napoléon, que personne, je le répète, ne connaissait quelques mois plus tôt, fait toute une campagne, évidemment, autour de l'héritage de son oncle, se multiplient les journaux à la gloire de Napoléon Ier et de l'héritage du neveu, ça s'appelle l'aigle républicaine, par exemple, le petit caporal. Bon, le comité napoléonien multiplie les chansons, les portraits, dans lesquels on montre très bien, d'ailleurs, que le neveu est directement l'héritier, j'insiste, du père. Ce que Guizot dira, c'est la chance de Louis-Napoléon dans cette élection, c'est d'avoir été l'héritier d'une gloire, de la gloire d'un nom. Oui, Guizot, vous le citez, écrit. L'expérience a révélé la force du parti bonapartiste. Guizot, qui était l'homme de Louis-Philippe, qui a été renversé par la révolution de février 1848. L'expérience a révélé la force du parti bonapartiste, ou pour dire plus vrai, du nom de Napoléon. Et exactement. Il ajoutait, c'est beaucoup d'être à la fois une gloire nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. C'est quelque chose qui concerne peut-être directement le bonapartisme dont nous parlons ce matin à ce micro. Il y a là de quoi survivre à de grandes fautes et à de longs revers. Et nous verrons qu'il y a des fautes et des revers. Mais puisque vous parlez des chansons, en voici une. En voici une qui s'appelle « Le prétendu de la République », qui est une chanson anonyme de 1848, interprétée par Robert Marcy en 1961. Bonjour aimable République, je m'appelle Napoléon. Des rois ont signé ma supplique, prince, je vous offre mon nom. Défunt mon oncle qu'on renomme, à votre sœur fit les yeux doux. Pour votre époux, me voulez-vous, lui disait-il et craque sous les verrous. Je veux imiter ce grand homme, république, marions-nous. Les femmes ont un faible extrême pour l'uniforme en général. Je sais bien qu'un soldat vous aime, mais un zouave est très brutal. Il ne peut sentir d'une lieue ce peuple de vos droits jaloux. Pour votre époux, le voulez-vous, non son grand sabre un jour de courroux. Pourrait en faire un barbe bleue, république, marions-nous. Je sais aussi qu'un grand poète ose aspirer à votre main, mais le pauvre homme est trop honnête pour diriger le genre humain. Lire chantant sur les désastres, c'est un mouton parmi les loups. Pour votre époux, le voulez-vous, ô des cieux vous donnant rendez-vous. Il vous aimera dans les astres, république, marions-nous. Sourd, muet, aveugle et facile, voilà le mari qu'il vous faut. Moi je vous offre un imbécile, mais ce n'est pas mon seul défaut. Enfin si votre cœur aspire à la misère jointe au cou, pour votre époux, me voulez-vous, je vous mettrai tous en dessus dessous. Avec moi vous aurez l'empire, république, marions-nous. La République devenant l'Empire, Jean Garrigue, cette chanson vous a réjoui, instruit, amusé? Elle est très, très perspicace et très pertinente, cette chanson. Elle montre des tas de choses. Elle fait allusion au poète qui a finalement manqué son rendez-vous avec la République. C'était Lamartine qui était au départ le chef du gouvernement de la Seconde République et qui a fait un score lamentable à cette élection présidentielle. Et elle montre évidemment à quel point, je le répète encore, l'héritage de Napoléon Ier est présent dans cette élection et aussi la manière dont Louis-Napoléon, qui prête serment à la République, puisqu'il en est devenu le président, va, 3 ans plus tard, le 2 décembre 1851, organiser un coup d'État pour abattre cette République qu'il avait la charge de défendre, ce qui est quand même un tout petit peu paradoxal. Donc là, à partir de là, est engagé un processus de restauration impériale qui débouche le 2 décembre 1852 sur la restauration, sur le Second Empire. La République avait pris un risque double en décidant l'élection du président de la République au suffrage universel, et du coup elle n'y consentira plus jusqu'en 1962, un risque majeur, qui est un risque, et d'autre part en interdisant que le président soit réélu. Débat contemporain aussi, faudrait-il avoir un septennat non renouvelable, etc. Le risque d'un coup d'État serait probablement moindre si on le décidait, mais au bout de 4 ans, il est insupportable, Louis-Napoléon Bonaparte, voilà, de devoir quitter le pouvoir. C'est ce qui pousse Louis-Napoléon au coup d'État, parce qu'il demande d'abord, il essaye d'obtenir une prolongation des pouvoirs présidentiels de l'Assemblée, mais cette Assemblée, précisément, à ce moment-là, elle est plutôt orléaniste, l'orléaniste légitimiste. On voit les trois droites qui se combattent. Bonaparte, Louis-Napoléon, qui s'appuie sur le peuple, qui organise des grandes campagnes de pétitions pour obtenir justement la prolongation des pouvoirs du président. Par-delà les intermédiaires, comme aurait dit De Gaulle, nous y viendrons. Oui. On retrouve aussi des choses beaucoup plus contemporaines, et y compris dans la dernière primaire, comment le bonapartiste qu'était Nicolas Sarkozy voulait s'appuyer sur les couches populaires et sur un discours populiste face à ceux qu'il présentait comme les candidats des élites. Et c'était exactement ça, la propagande de Napoléon III à cette époque. Enfin, Juppé, oui, orléaniste, dans cette idée. Exactement. Tout ça est évidemment trop simple. Mais néanmoins, il y a une part de vérité, part je crois. Alors montrons-le vu par un orléaniste. Celui de Napoléon Bonaparte qui s'apprête à prendre le pouvoir. On s'était trompé du côté des orléanistes. On avait dit, Thiers avait dit, c'est une bête qu'on dirigera. Voilà, les orléanistes et les légitimistes, réunis dans un comité électoral qu'on appelait le comité de la rue de Poitiers, pensaient utiliser Louis-Napoléon Bonaparte pour abattre la République, sauf que c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui les a écartés. Alors évidemment, ça n'aide pas à éprouver de la tendresse de la part des orléanistes. En voici un prestigieux, c'est Tocqueville. Et je veux poser tout de même la personnalité de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, au centre de cette émission. Il a, dit Tocqueville, du reptile dans l'approche et du caméléon dans le mouvement. Un air endormi et glacial, l'œil petit, éteint, et la peau tout autour ridée et plissée comme des paupières de lézard. Il ne va pas aux gens, il flaire la haie, qui se range sur son passage, s'arrête avec hésitation devant une personne et restant de côté sans lui faire face, regardant devant lui, il lui adresse après un moment une première parole enrhumée qui a un accent allemand. Puis à la seconde parole, toujours fixe, et les yeux vagues, il cherche. La personne attend, rien ne vient. Il se fige dans sa gêne. Au bout de quelques secondes, il tire son mouchoir et s'en essuie flegmatiquement la bouche et une autre parole tombe et puis il passe. Parfois, dans ses yeux d'un bleu dépoli, passe un pâle sourire, une lueur terne. Si on en croit Tocqueville, il est assez étonnant que ce soit un homme providentiel, comme vous aimez les désigner vous-même, Jean Garrigue. Il ne faut jamais sous-estimer les personnages, y compris lorsqu'ils manquent de charisme. Et il en manquait singulièrement. On fait allusion à son accent allemand parce qu'il avait été élevé en Suisse allemande. Ses premiers discours à l'Assemblée nationale en 1848 sont un désastre. Tout le monde se moque de lui. Sauf que il fait preuve d'une certaine habileté politique puisqu'il roule dans la farine les légitimistes et les orléanistes. On peut dire d'une certaine manière aussi les promesses qu'il fait, que ça soit au monde paysan qui est l'essentiel de l'électorat à l'époque et aux ouvriers des villes qui sont mécontents de la République, qui trouvent une République trop conservatrice, trop bourgeoise. Toutes ces promesses-là vont faire de lui le triomphateur de cette élection. Et j'ajouterai que Louis-Napoléon est quelqu'un qui, notamment au Fort de Ham, mais bien avant, s'est constitué une véritable culture politique, a beaucoup lu notamment les penseurs du socialisme utopique, ce qui lui a permis d'écrire ce fameux ouvrage « L'extinction du paupérisme » en 1844. Les républicains s'en moquaient en disant « L'extinction du paupérisme après 20 heures du soir ». Exactement. Mais n'empêche que tout ça fait de lui quelqu'un qui a un vrai projet politique, qui dépasse d'ailleurs simplement l'imitation de son oncle, de ce qu'était le Premier Empire, et qui va se concrétiser ensuite par l'œuvre du Second Empire. Ben à nous de la voir maintenant pour essayer d'y dénicher, d'en débusquer ce qui peut concerner encore notre vie politique quotidienne quand on parle actuelle, contemporaine, quand on parle du bonapartisme. Il y a d'abord le régime, la manière dont il comprend sa façon de gouverner, et au moins dans la première décennie des années 50, ensuite ça se libéralise un peu, c'est un régime extrêmement brutal. On veut faire appel au peuple et en même temps, on est d'une extrême dureté à l'égard de toutes les élites, la presse... C'est un régime autoritaire et de concentration des pouvoirs et de privation des libertés. Il n'y a pas de véritable parlementarisme, il n'y a pas de véritable contre-pouvoir. Les assemblées sont soit nommées par Louis-Napoléon, soit contrôlé par lui. Le corps législatif qui est élu au suffrage universel, en réalité, est une chambre d'enregistrement, et il instaure un système qu'on appelle la candidature officielle, qui fait que ce sont les candidats de Napoléon III qui bénéficient d'un immense avantage, notamment celui d'utiliser les affiches de l'administration, et puis de tout un tas de pressions qui sont exercées sur les notables, ceux qui font l'élection, finalement. Donc il y a un système qui est très encadré, très verrouillé pendant les 10 premières années du régime, comme il l'avait d'ailleurs annoncé dans les idées napoléoniennes notamment. Et à partir de 1860, alors pour des raisons qui relèvent de sa propre trajectoire, mais aussi de la pression des événements, notamment de la nécessité de se rapprocher un peu des républicains. Et peut-être aussi du fait qu'un certain nombre de milieux d'affaires refuse de le soutenir puisqu'il a fait un traité de libre-échange. Exactement. À titre personnel avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre, exactement. Il est conduit donc milieu par... Les affaires le prennent de la distance. Les catholiques aussi, pour des raisons de politique étrangère. Nous allons dire un mot. Le régime de la presse, il faut y insister un instant, est extraordinairement contraint. Oui. Alors, jusqu'en 1860, car en 1860, il va libérer le système qu'on appelle le système des avertissements, des cautionnements. Ça reste quand même un système qui n'a rien à voir avec le système que les républicains vont mettre en place en 1881. Ça reste un système de censure. Mais il est vrai que les élections, les dernières élections de l'Empire, c'est-à-dire 1863 à 1869, sont des élections relativement libres, sous la pression notamment de l'opposition libérale. Adolphe Thiers, 1864, le discours sur les libertés nécessaires. L'orléaniste Adolphe Thiers prend position contre le bonapartisme. Et s'allie du coup aux républicains qui sont également en progrès. En progrès, tout à fait. Très clair. Il faut s'y attarder également un instant, un usage du plébiscite, ce que nous appellerions aujourd'hui un référendum, qui renvoie assez directement à ce qu'on peut appeler le bonapartisme contemporain. Nous dirons un mot tout à l'heure du gaullisme en montrant beaucoup de différences, mais quelques ressemblances, en particulier au temps du rassemblement du peuple français dans les années 47 à 54. Alors là, qu'est-ce qui se passe et le référendum va être entraîné dans la chute du Second Empire, puisqu'il disparaîtra jusqu'en 1945. Voilà, il sera discrédité par l'usage qu'en ont fait les empereurs, car ça avait commencé avec Napoléon Bonaparte, puis devenu Napoléon Ier, et Louis-Napoléon va multiplier l'usage plébiscitaire. Alors, au début de son règne, et à la fin, avec ce fameux plébiscite, pour les historiens, de 1870, où il pose une question très ambiguë, en réalité, parce qu'il demande aux électeurs... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec la réforme qui fait aller finalement l'Empire quasiment vers un empire parlementaire ? Évidemment, les républicains, les libéraux sont tentés de dire oui. Sauf que, à côté, enfin, le oui au plébiscite sous-entend, implique qu'on dit oui aussi au régime bonapartiste lui-même. Et ça va mettre les républicains et libéraux dans une situation très très compliquée. Ils vont se diviser autour de la réponse à apporter à ce plébiscite, ce qui fait que ça sera un immense succès pour Louis-Napoléon Bonaparte. On est en mai 1870, très bientôt il va y avoir la guerre, etc. Le Premier ministre Émile Ollivier dit « nous lui ferons une vieillesse heureuse ». Voilà. Émile Ollivier qui vient du camp des républicains, est considéré comme un traître, parce que ce camp des républicains et des libéraux est troublé. Orléaniste aussi, à vrai dire. Il est assez proche de l'orléanisme. Ah oui, il est... Je dirais plutôt orléaniste que républicain. Enfin, alors, nous n'entrons pas dans ce débat. Lui se revendiquait... Oui. Ce qui est clair, c'est que quelques semaines après, c'est sedant. J'observe qu'en 1962, dans une lettre privée, Pierre Mendès-France, qui avait été évidemment très hostile à l'idée gaullienne d'une élection du président de la République au suffrage universel, qui avait constaté la victoire de Gaulle, écrit dans une lettre privée « Ne soyez pas trop triste, en mai 1871, il y a eu la grande victoire de Napoléon III, quelques semaines après, c'était sedant ». Voilà, mai 1870, semaines après, c'était sedant. 1871, pardon. 70, oui. Oui, car des parallèles vont être faits, alors... beaucoup de parallèles seront faits par l'opposition de gauche, de centre-gauche, même de centre-droit, au moment où, en 1962, le général de Gaulle va proposer son fameux référendum pour élire le président de la République au suffrage universel. Et là, le cartel des noms, hein, quasiment toute la classe politique, beaucoup de juristes, d'intellectuels, dénoncent ce qui ressemble beaucoup, justement, à ce plébiscite, au fond, de 1870, ou en tout cas l'usage plébiscitaire qui était fait par les empereurs. C'est le temps aussi où François Mitterrand, un des principaux opposants au général de Gaulle, décide d'écrire un livre, il passe même un contrat avec Gallimard, sur le 2 décembre 1851. Et dans le coup d'État permanent, qui lui est rédigé, l'autre ne l'a pas été, il revient aussi beaucoup sur les parallèles, renforçant le trait évidemment à nos yeux, mais de façon parfois pertinente. Oui, alors lui dit que au fond le général de Gaulle ce serait une sorte de Napoléon III matinée des vertus bourgeoises de Louis-Philippe. Lui, il mélange les deux héritages assez subtilement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a dans la société gaullienne des aspects dans la libéraux qui rappellent libéraux et bourgeois et conservateurs qui rappellent un peu l'orléanisme aussi, mais avec une pratique politique très très bonapartiste, très autoritaire, très plébiscitaire. Le général de Gaulle, c'est l'usage du référendum, plébiscite en réalité. Donc il y a un parallèle très très fort. Et à la même époque, Jacques Duclos, on connaît moins cet ouvrage, qui était le premier communiste, le chef du Parti communiste, Jacques Duclos publie un ouvrage qui s'appelle « De Napoléon III à De Gaulle », dans lequel il s'attache à démontrer véritablement que ce sont les mêmes, quoi. Ce qui est évidemment quelque peu outré. C'est le moins qu'on puisse dire, notamment au chapitre des libertés. Bien sûr. Et en face, Philippe Séguin, qui était à l'époque le maître de François Fillon, qui Tout était à l'époque fait. Gaulliste social, nous le rappelons. Exactement. Philippe Séguin a fait un parallèle, oui, mais lui positif. Et pour louer le gaullisme dont il était, évidemment, il est allé louer le période du Second Empire. Exactement. Il avait intitulé son ouvrage « Louis-Napoléon le Grand », par opposition au fameux Napoléon le Petit, publié par Victor Hugo pour combattre Napoléon III, qu'il avait beaucoup déçu. Et dans ce Louis-Napoléon le Grand, Philippe Séguin, gaulliste, détenteur finalement de l'identité du gaullisme social notamment, s'attache à démontrer que finalement, Napoléon III était le premier des gaullistes. Hein, qu'il a essayé qu'il est l'artisan de l'indépendance nationale entre les deux grands, parce qu'il a été faire la guerre au Mexique pour contrer l'influence des États-Unis d'Amérique. Il essaie de montrer que, la croissance, le miracle économique de la période gaullienne était préparé par celle de Napoléon III. Enfin bref, il montre sur tous ces aspects, il y a vraiment une continuité entre les deux. Il y a un autre aspect, d'ailleurs, ce sont les idées sociales. L'extinction du paupérisme, disiez-vous, de Napoléon III, qui s'efforce d'améliorer la condition ouvrière de différents côtés, oui, qui autorise la coalition, les grèves à partir des années 60. Oui, pour Philippe Séguin, ça annonce les efforts du gaullisme en direction des associations entre le capital Exactement. Et le travail. Exactement. Tout un effort de Napoléon III en faveur des coopératives, des associations, en faveur du mouvement ouvrier dont il essaye de structurer, tout en le contrôlant évidemment, parce que ça reste quand même un régime de contrôle autoritaire, mais il va encourager au fond la partie la plus réformiste et la plus je dirais négociatrice, hein, un peu comme si on s'appuyait aujourd'hui, pour ceux qui s'appuient sur la CFDT. C'était un petit peu ça que faisait Napoléon III à l'époque, et ça donne à Philippe Séguin cette idée d'une continuité de ce que on a appelé plus tard le gaullisme social. Je pense plutôt à la vérité d'un rapprochement à l'époque du Rassemblement du peuple français entre 1947 et 1954. Il faut tout de même rappeler, puisque nous faisons un parallèle, que les libertés politiques ont été entièrement, complètement respectées du temps du gaullisme, et qu'on ne peut pas aller trop loin dans la comparaison. Mais non, d'ailleurs, le général de Gaulle ne s'est jamais réclamé de Napoléon Ier, encore moins de Napoléon III. Il n'aimait pas beaucoup Napoléon Ier, effectivement. Dans la France et son armée, il a des propos sévères à son égard. Il salue la gloire, mais il déplore le sang, la brutalité. Exactement, oui. Il disait que Napoléon Ier avait fait lever l'espérance, mais qu'il avait lui-même aboli cette espérance en faisant entrer la France dans une spirale de guerre, de terreur, notamment européenne. Et donc, il avait au fond trahi les idéaux dont il aurait pu être le porteur. Et Charles de Gaulle, qui connaissait beaucoup de vers par cœur, aurait pu citer ceux de Victor Hugo. On ne peut pas tout de même, puisqu'on parle de Napoléon, faire l'économie de quelques extraits des châtiments. Son Napoléon, Napoléon le Petit, c'est le titre d'un ouvrage ultérieur, il écrit ceci, il s'adresse à Napoléon Ier, qui dans son tombeau regarde des brigands dont les seins tourbillonnent, d'affreux bohémiens, des vainqueurs de charnier te tiennent dans leurs mains et t'ont fait prisonnier. À ton orteil d'airain, leurs pattes infâmes touchent. Ils t'ont pris, tu mourus, comme un astre se couche. Napoléon le Grand, empereur, tu renais, Bonaparte, écuyer du cirque Beauharnais. C'est pas mal, on comprend que Napoléon III, dans la très longue durée des temps, n'ait beaucoup souffert de ces vers. Ton nom, dit Victor Hugo, leur sert de lit, Napoléon Ier. On voit sur Austerlitz un peu de leur fumier. Ta gloire est un gros vin dont leur honte se grise. Cartouche essaye et met ta redingote grise. On quête des liards dans le petit chapeau. Pour tapis sur la table, ils ont mis ton drapeau. À cette table immonde où le grec devient riche, avec le paysan, on boit, on joue, on triche. Tu te mêles, compère, à ce tripot hardi et ta main qui tenait l'étendard de Lodi, cette main qui portait la foudre au Bonaparte, aide à piper les dés et fait sauter la carte. J'ai cru nécessaire, évoquant le Second Empire, de citer Hugo. Bien sûr, alors Hugo a beaucoup fait pour la légende noire du Second Empire que les Républicains ont cultivée, qui a fait que, à partir de 1871, pour beaucoup de Républicains et de libéraux d'ailleurs, il y a une hantise, c'est celle justement du césarisme, celle du retour d'un coup d'État à la Louis-Napoléon Bonaparte, puisque Napoléon III est mort en 1873, mais on a très très peur que se reproduise ce qui s'est passé à deux reprises dans l'histoire de France et qui a mené à ces empires autoritaires. Nous n'avons pas le temps de développer la question de la politique étrangère de Napoléon III, mais d'un moins elle est intéressante parce qu'elle est marquée au moins au début par une défense de l'autodétermination, des nationalités, qui n'est pas sans appeler effectivement un rappel, évoquer ce qui se passera dans les années 60 avec la défense et l'illustration par De Gaulle de l'autodétermination des peuples. Oui, et puis De Gaulle qui va sur le continent asiatique, sur le continent sud-américain, défendre à chaque fois justement les nationalités opprimées, y compris par l'impérialisme américain. C'est quand même très intéressant de voir de quelle manière Napoléon III, lui, c'était surtout en Italie, où il avait même combattu pour défendre en 1859 la nation italienne en train de se construire. C'est un des pères de l'unité italienne, effectivement. Les années 50, qui sont celles de l'oppression dictatoriale à l'intérieur, sont celles d'une politique étrangère et militaire assez brillante, alors qu'ensuite tout vient se dégrader. La guerre du Mexique que vous évoquiez est développée aussi pour des motifs qui sont des motifs financiers. Peu ragoûtants. Mmh. Et de proche en proche, la montée de Bismarck ne trouve devant elle qu'un Napoléon III médiocrement animé, vieillissant et incapable d'obtenir pour la France les avantages que cette ambition allemande aurait pu lui procurer. Et qui lance la France dans une guerre perdue d'avance, dont les Républicains vont devoir, au fond, essuyer les plâtres. C'est le grand problème de la Troisième République naissante, après le désastre de Sedan, la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870. On proclame la Troisième République le 4 septembre, mais cette Troisième République, elle a face à elle un État en faillite, un État vaincu, une France occupée, et c'est le legs de Napoléon III. Ça explique aussi la légende noire du Second Empire. Il faut dire que dans les premières années de la Troisième République, les Républicains peuvent encore être inquiets de l'énergie d'un parti bonapartiste qui retrouve de la force, même après la mort du prince impérial, qui est tué absurdement par des Zoulous dans une guerre africaine. Mais il y a de l'énergie, l'appel au peuple, et puis il y a cet avatar au sens propre que peut représenter le boulangisme. Général Boulanger veut se situer à la rencontre des républicains, tout en refusant la filiation directe avec Bonaparte, qui est encore très mal lu pour des raisons liées à la défaite. On voit une continuité. Écoutez donc cet extrait d'un discours qui est resté notoire, qu'il a prononcé à Nevers en décembre 1888, au moment de l'apogée de son influence et par conséquent du risque que la Troisième République peut ressentir. C'est une lecture de François Chaumette dans l'émission Trois Républiques en 1983. Si j'ai rallié avec les suffrages de républicains ceux d'hommes qui, en servant les gouvernements déchus, avaient servi leur pays, et ceux d'électeurs restés fidèles à des noms qui, s'ils rappellent nos malheurs, rappellent aussi nos gloires. Ce n'est pas parce que ces hommes me faisaient l'injure de supposer que, malgré mes déclarations républicaines, je voulais restaurer un des anciens régimes, mais c'est parce que, instruits par l'expérience, ils sont d'accord avec moi. Et je puis dire avec vous, pour vouloir une république nouvelle, nationale, ouverte à tous les honnêtes gens et à tous les progrès, faite par le peuple et pour le peuple, et dans laquelle le pays aurait non seulement le droit, si souvent illusoire, d'exprimer ses vœux, mais le pouvoir de les réaliser. Je vous le répète, pour alarmer les amis de la liberté et exciter leur méfiance, on a comparé ce qui se passe actuellement à ce qui se passa il y a 37 ans. Mais ceux qui parlent ainsi, en me désignant comme un croque-mitaine dictatorial, calomnie plus encore le peuple français qu'il ne me calomnie moi-même. Car si nous recommençons notre histoire, ce n'est pas pour en revenir à 1851, mais bien à 1789. Toujours cette volonté, Jean Garrigue, de se mettre dans la lignée de la Révolution française, qui est évidemment ce qui pose en grande différence par rapport aux légitimistes, qui s'efforcent aussi à l'époque de revenir avec le comte de Chambord, et qui, eux, évidemment, font appel, de façon à proprement parler réactionnaire, à l'ancien régime. Tout à fait, oui. Ils regardent vers le passé. C'est toute l'ambiguïté du boulangisme et du général Boulanger lui-même, dont finalement le slogan était assez simple. Il voulait dissoudre l'Assemblée, la Chambre des députés, et faire une nouvelle constitution plus autoritaire. Mais l'ambiguïté de Boulanger, c'est que lui est un républicain, se présente comme un républicain, mais il est soutenu secrètement, à la fois d'ailleurs par les orléanistes, les légitimistes qui le financent, mais aussi par les bonapartistes. Il rencontre l'un des prétendants bonapartistes, le prince Napoléon, cousin de Napoléon III, celui qu'on appelait Plomplon. Il le rencontre secrètement en Suisse, et Plomplon lui apporte son soutien parce qu'il voit en Boulanger une sorte de résurgence, justement, de l'esprit du bonapartisme, l'esprit de l'appel au peuple, qui, dans l'esprit de Plomplon et de Boulanger d'ailleurs, n'est pas incompatible avec une politique sociale, y compris d'ailleurs avec l'usage du parlementarisme. Mais enfin, on se méfie quand même beaucoup des représentants du peuple. Dans le mouvement boulangiste, les critiques contre la Chambre des députés, contre les députés, le tous pourri, etc., sont quand même très, très à fleur de peau. Et c'est toute l'ambiguïté, je le répète, d'un mouvement qui apparaît comme un feu de paille, mais qui est en même temps, le boulangisme, une sorte d'acte de naissance, me semble-t-il, du courant populiste français. Et qui d'ailleurs naît en fait à gauche, comme beaucoup de mouvements bonapartistes, et évolue progressivement vers la droite, mais avec vraiment... Oui, c'est une nouvelle version de la tradition bonapartiste qui est vraiment enracinée dans notre culture politique, avec l'appel au peuple, vous le disiez, ouais. La confiance à un homme, La passion de la grandeur nationale, le culte du chef, l'aspiration à une certaine justice, ouais. La démocratie directe et la détestation des notables libéraux, ce qu'on appellerait aujourd'hui les élites, et les factions, les partis contre qui ferraillait toujours De Gaulle. Oui, tout y est, mais dans cette revendication permanente de quelque chose qui se réfère à l'héritage de la Révolution française, le 14 juillet 1889, pour le centenaire, alors qu'il est en exil, Boulanger organise à Londres une grande fête républicaine en se proclamant lui comme l'héritier véritable de la tradition républicaine face à ceux qui sont au pouvoir et qui pour lui sont des orléanistes au fond. C'est ça qui est très drôle, ce jeu de miroir politique. Et alors que lui, au contraire, on pourrait évidemment, mais comme vous l'avez dit, comme René Raymond l'avait très bien montré, on le voit, on le perçoit comme l'héritier d'une tradition bonapartiste. Il y a ce fameux article de Jules Simon, qui était un des leaders républicains, qui dit « Souviens-toi du 2 décembre hein, ». Il publie un article dans toute la presse, dans les grands journaux parisiens, pour dire au peuple « Attention aux élections ». électeurs, celui que vous avez en face de vous, qui se présente comme un général républicain, eh bien, c'est le danger d'un nouveau coup d'État et d'un nouveau régime autoritaire. Oui, c'est la République des Jules. La République des Jules, Jules Ferry, Jules Simon. Et c'est une République qui réussit finalement de justesse à se maintenir et à obtenir l'échec de Bonaparte et du même coup. À la suite de Boulanger. Cela, j'ai dit quoi? L'échec de Boulanger. Oui, c'est un lapsus probablement. C'est un lapsus concordance des temps. Vous me le pardonnez? Je vous pardonne. Je vous en remercie beaucoup. Voilà l'effet de votre générosité. Soyons sérieux. Revenons sur Boulanger. Après Boulanger et son échec, son effondrement, on voit le parti bonapartiste, qui a été encore très important, y compris au Parlement, se dissoudre progressivement à partir de 1902. Paul de Cassagnac, oui, qui est un magnifique duelliste ou d'autres. Et en 1906, d'ailleurs, c'est symbolique, lorsque les parlementaires décident d'augmenter leur indemnité parlementaire, de 8 000 à 15 000. Il y a un député qui n'est plus membre qu'un parti assez chétif et d'opposition, qui prenant note de ça, vote contre naturellement, et dit mais mon indignation n'a d'égal que ma satisfaction. Oui. On est réduit au bon mot. Oui, on a oublié de dire que dans les années, à la fin des années 70, c'est-à-dire après 10 ans de Troisième République, il y avait encore une centaine de députés bonapartistes. C'est après simplement, et notamment avec l'échec du bonapartisme, du boulangisme justement, que le bonapartisme s'est effiloché. Il a ressurgi un tout petit peu à la faveur de l'Union sacrée de la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans ce mouvement qu'on appelait le Bloc National, il y a une vingtaine de députés qui se décrivent comme bonapartistes, vraiment comme les héritiers de Napoléon Ier et de Napoléon III. Il y a des comités plébiscitaires assez actifs. Et puis il va y avoir, dans le tempérament d'un certain nombre de ligues d'extrême droite de cette époque, notamment dans les jeunesses patriotes de Pierre Tétinger, qui vient des jeunesses bonapartistes, il a commencé sa carrière comme bonapartiste. Et non pas de l'Action française. Qui est l'héritière, au contraire, du légitimisme. Exactement. Eh bien, il y a la subsistance, la permanence de ce courant, au fond, qui réclame, de l'autorité, un homme à poigne, beaucoup moins de parlement et de parlementarisme, éventuellement avec une sensibilité sociale qu'on retrouve chez les jeunesses patriotes, qu'on retrouve aussi dans le mouvement des Croix de Feu, cette ex-ligue d'anciens combattants, association d'anciens combattants, pardon, devenue ligue politique et dirigée par le colonel Delaroque. Mais il y a ce tempérament bonapartiste dans toute cette extrême droite de l'entre-deux-guerres. J'avais évoqué René Raymond et son propos. Je voudrais vous le faire entendre pour finir parce que il va, me semble-t-il, résumer de façon efficace le propos qui nous a réunis aujourd'hui, Jean Garrigue, puisque c'est l'auteur de cette théorie, cette doctrine sur l'existence des trois droites qui nous a occupés ce matin. C'est de cette droite-là que le gaullisme se rapproche le plus. Il ne se confond pas avec, car d'abord, chaque génération renouvelle un peu le fond. Et surtout lorsqu'il y a une personnalité comme le général de Gaulle. Il ne peut pas être un épigone, il ne fait pas que reproduire. Néanmoins, cette alliance de l'autorité et du soutien populaire, l'autorité procédant de la démocratie, la préoccupation de la grandeur nationale, du rôle de l'État, tout cela est déjà présent dans ce qu'il y a de meilleur dans le bonapartisme et se retrouve dans le gaullisme. Et je crois qu'il y a là une continuité qui est d'ailleurs assez proprement française, qui explique en partie probablement que la France ait été préservée de la tentation fasciste. Parce que le fascisme, je ne veux pas dire que le bonapartisme, c'était son fascisme à elle. Mais d'une certaine façon, quelques-unes des aspirations auxquelles le fascisme prétendait apporter réponse se trouvent satisfaites à l'intérieur d'une tradition proprement française qui est suffisamment démocratique pour ne pas s'accommoder du régime du parti unique et du totalitarisme. C'est un propos de René Raymond en mai 1982 qui défend une thèse parfois discutée par d'autres. Je pense aux thèses de Zev Sternel, l'idée que c'est précisément parce que le bonapartisme a été influent dans une fraction de la droite française qu'on a échappé à l'incarnation française d'un fascisme dominant, comme s'il y avait eu quelque chose de prophylactique dans le bonapartisme. Vous agréez cette idée, Jean Garrigue ? Tout à fait. Pour avoir suivi à la fois les travaux des uns et des autres, et pour lorsqu'on se penche de manière très précise sur l'histoire de l'extrême droite en France, à partir d'ailleurs du boulangisme, on s'aperçoit, on voit à quel point il y a une spécificité française qui est totalement imbriquée dans cet héritage du bonapartisme et qui nous éloigne totalement du projet fasciste. C'est-à-dire que le bonapartisme, s'il y a des points communs avec ce que peut être la construction fasciste, mais n'induit en aucun cas ce totalitarisme qui est l'apanage du fascisme. La parole est donnée au peuple, de surcroît, franchement et sincèrement. La parole est donnée au peuple par le biais du référendum, du plébiscite, de l'élection, au suffrage universel du corps législatif à la fin du Second Empire. Donc tout ça nous inscrit dans une tradition typiquement française, je le répète, et il n'y a aucune raison de la renier, cette tradition. Alors pour finir, en rejoignant les propos du début de notre conversation, Jean Garrigue, dans notre actualité immédiate, vous considérez, comme Hervé Lebras, comme d'autres observateurs, René Raymond n'est plus là malheureusement pour pouvoir appliquer sa thèse à notre conjoncture, est-ce que vous considérez que ce tripartisme, en particulier la description de cette longue ligne de monapartisme qui demeure, surgit, disparaît, réapparaît, est-ce qu'il est légitime d'en parler aujourd'hui ? Oui, moi il me semble que si l'on prend l'exemple de cette tradition bonapartiste, ce qui s'est passé notamment en 2007 lors de la campagne dans la campagne de Nicolas Sarkozy, à la fois par le style. Je rappelle que le journaliste Alain Duhamel, décrivant cette campagne, parlait d'une marche consulaire. Alain Duhamel, oui, c'est un livre très intéressant, mais qui pouvait être discutable. Oui, qui pouvait être discutable, mais qui était intéressant dans la mesure où il s'appuyait sur la volonté qu'a eue Nicolas Sarkozy dans cette campagne, alors de se référer à la fois au général de Gaulle, ce qui était assez logique, puisqu'il était l'héritier, le porteur du mouvement gaulliste. Néo-gaulliste. Néo-gaulliste, oui, parce que avec beaucoup de différences avec ce qu'était la politique du général de Gaulle, mais notamment sur toute la politique atlantiste, etc. Le gaullisme appartient à tout le monde, disait le général. Voilà, exactement. Mais aussi avec un certain nombre de signes qui faisaient très nettement référence à l'héritage de Napoléon Ier. Quand il était à cheval en Camargue, vous pensez avec beaucoup de photographes. Voilà. Là, on était vraiment dans le culte d'une image classique de Napoléon sur son cheval, au pont d'Arcole ou ailleurs. C'était très intéressant de voir que celui que certains surnommaient Naboléon ou Sarkoléon s'inspirait véritablement de la légende bonapartiste. Et puis, dans la campagne récente des primaires, on voit très bien que en cultivant ce style, cette énergie, ce rapport direct au peuple et cette détestation ou cette opposition aux élites incarnées par ses adversaires, eh bien, il tentait de faire ressurgir là aussi des éléments constitutifs de la tradition bonapartiste. Je signale que Nathalie Kosciusko-Morizet chevauchait aux côtés de Nicolas Sarkozy ce jour-là. Je ne sais pas quelle interprétation vous ferez de cette proximité. Quoi qu'il en soit, j'en viens, puisque le moment est venu de le faire, à la bibliographie, et en particulier à un hommage à votre livre que j'ai déjà évoqué, « Les hommes providentiels, histoire d'une fascination française ». Un livre qui est paru aux éditions du Seuil en 2012. L'histoire du bonapartisme ne se réduit pas à la quête des hommes providentiels, il y en a d'autres, etc. Mais enfin, forcément, c'est une thématique qui est centrale par rapport à notre conversation d'aujourd'hui. Je voudrais aussi évoquer le livre de Frédéric Bluch qui s'appelle « Le bonapartisme aux origines de la droite autoritaire ». 1800-1850, nouvelles éditions latines, 1980, livre ancien, mais qui est toujours utile. Et puis, vous venez de publier, il faut que vous nous en disiez un mot, Jean Garrigue, un très beau livre de photos qui s'appelle « Président au cœur du pouvoir », qui est dit un tout jeune éditeur, je crois que c'est son premier livre, Le Faune. Quel beau nom, Le Faune. Peu inquiétant, mais c'est un beau nom. 2016, c'est un livre quel est son propos ? Alors, c'est un livre d'images à partir d'un fonds de l'AFP, de l'Agence française de presse, dans lequel figure d'ailleurs cette fameuse image de Nicolas Sarkozy et Nathalie Kosciusko-Morizet chevauchant vers la victoire en 2007, et dans lequel il s'agit de raconter au fond ce qu'a été en images le travail, l'action et le rôle, et la vie aussi, la vie privée de nos présidents de la Ve République, du général de Gaulle jusqu'à François Hollande. Eh bien, voilà qui est allé. C'est pourquoi j'ai cité votre dernier ouvrage. Je vous en prie. Vous pourrez, je le rappelle, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez réécouter, télécharger cette émission et la garder par-devers vous très, très, très longtemps. Samedi prochain, nous parlerons des barbares. Les barbares, c'est une formule qu'on emploie maintenant souvent, la peur des autres. Les barbares étaient-ils, au temps des premiers barbares, vraiment différents? Et Bruno Dumézil, qui vient d'organiser un très beau livre sur le sujet, sera mon invité. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque samedi pour notre bonheur par Patrick Molinier, avec Yvan Charbit et Alexandre Jam à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'INA, Clary Monac et Marthe Laurent-Clotilde Fiot.